Ah, vous êtes prêt à réparer l'injustice dont je suis victime. Fort bien. Remettez-moi alors le 1,5 million de roubles que vous avez frauduleusement encaissé. Vous ne dites plus rien, prince. Vous vous taisez. Et pour cause. Calmez-vous, monsieur Bordovski. Je vous répète, j'ai chargé Gabriel Ardalionitch d'éclaircir cette affaire. Et dès que... Allons, prince. Si vous avez chargé Gabriel Ardalionitch de cette affaire, comme vous dites, c'est uniquement pour qu'il démontre que je suis un imposteur. Permettez, monsieur Bordovski. Or, je ne suis pas un imposteur. Je suis bel et bien le fils de votre bienfaiteur, monsieur Pavlitchev. Et je ne vous laisserai pas jouir impunément de l'argent que vous m'avez volé. Une minute, monsieur Bordovski, s'il vous plaît. Votre insolence dépasse les bornes. Quant à vos prétentions, elles sont ridicules. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, monsieur. Mais je vous conseille vivement de peser vos paroles avant de les prononcer. Je m'appelle Lebedev, monsieur. Et je suis maître de séant. Si cela dépendait seulement de moi, je vous aurais mis depuis longtemps à la porte. Mais j'ai trop d'estime pour le prince. Et comme vous êtes un de ses visiteurs, je n'en ferai rien. Je tolérerai votre présence dans ma maison. À condition que vous répondiez à mes questions. Encore une fois, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Et je n'ai pas à répondre à vos questions. Préférez-vous alors que je vous chasse? Lebedev, pourquoi prenez-vous la peine de discuter avec cet individu? Ne voyez-vous pas qu'il cherche à exercer un chantage sur le prince? Mettez-le donc dehors et tout sera dit. Doucement, doucement, maman. Les choses ne sont pas si simples que cela. Et si ce monsieur est vraiment le fils de monsieur Pavlitchev? Oh, prince, décidément, vous n'avez pas de chance. En rien. Vous déclarez votre flamme à Nastassia Philipovna et elle s'enfuit avec un fils de marchand, parfait de Rogojine. Vous cherchez à les conseiller, à les guider, mais Nastassia Philipovna vous ferme la porte au nez et parfait de Rogojine lève son couteau sur vous. Une attaque d'épilepsie vous sauve opportunément du couteau de Rogojine, mais vous oblige à garder pour quelque temps la chambre. Pourquoi ce petit discours plein de fiel, mademoiselle Yepanchine? La générosité du prince devrait plutôt forcer votre estime. Et lorsque vous pensez que vous êtes enfin à l'abri de l'adversité, entre vos quatre murs, un monsieur Bordovski se plante soudain devant vous et exige de vous la restitution de votre héritage. Et que faites-vous? Vous vous insurgez? Vous contre-attaquez? Non. Vous vous sentez une fois de plus coupable. Et vous envisagez de vous dépouiller au profit de ce petit escroc. Ah, que ne suis-je à votre place, prince? J'aurais rendu coup pour coup, j'aurais... De grâce, mademoiselle, ne poursuivez pas. Vous peinez inutilement le prince, regardez-le. Il est pâle, il est défait, une tristesse sans bornes se lit dans ses yeux. Le prince n'est pas de taille à lutter contre ces coquins qui l'assaillent. Il manque de dureté, de savoir-faire, tout simplement. Mais moi, Lebedev, j'ai tout cela. Et je suis là. J'empêcherai toutes ces sangsues de se repaître du sang de mon ami, le prince Mishkin. Monsieur Lebedev, ne soyez pas trop rude avec ce jeune homme, je vous en supplie. Je crois qu'il a été induit en erreur par son homme d'affaires. Mais c'est possible, mon bon prince, mais cela ne change rien à la situation. Et par conséquent, monsieur Bordovski... Vous prétendez que vous êtes le fils de monsieur Pavlitchev? Oui, je suis le fils de monsieur Pavlitchev, un fils si légitime, il est vrai. Cela importe peu. Notre Seigneur Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Et je suis chrétien. Mes vertus, la charité et le pardon. Cela dit, revenons à nos moutons. Monsieur Bordovski, à quelle date, madame votre mère, a-t-elle commis... l'adultère avec monsieur Pavlitchev? Répondez, je vous prie. Je ne pourrais pas vous donner cette date avec précision. Je suppose que cela s'est passé il y a 25 ans, puisque j'ai 24 ans. Vous supposez? Mais dans cette matière, c'est la précision, et elle seule, qui compte. Comment cela? Je ne comprends pas. Vraiment pas? Eh bien, je vais vous aider à comprendre. Monsieur Pavlitchev est mort il y a 26 ans et 4 mois exactement. Donc, il ne pouvait en aucun cas être votre père. Quand je pense qu'un blanc bec comme vous veut exercer le métier de maître chanteur, un métier délicat par excellence, je rougis de honte pour cette honorable corporation. Vous auriez dû au moins vous renseigner sur la date du décès de monsieur Pavlitchev avant de venir ici. Vous êtes certain que monsieur Pavlitchev est mort il y a 26 ans? Tchebarov, mon homme d'affaires, m'a dit que monsieur Pavlitchev était mort il y a seulement 25 ans. Monsieur Tchebarov, c'est avoué véreux. Et c'est lui, sans doute, qui vous a mis dans la tête que vous étiez le fils illégitime de monsieur Pavlitchev. Et maintenant, tout s'explique. Il comptait sur la mansuétude, sur l'étourderie du prince pour le duper et le délester de sa fortune. Bien, bien, monsieur Bourdovski. Vous êtes innocent. Et même la victime, en quelque sorte, de la ténébreuse machination dirigée contre le prince par ce filou de Tchevarov. Mais cela ne vous autorise pas à réclamer des dommages et intérêts au prince. En aucune façon. Allez plutôt retrouver Tchevarov. Je vous ai prié, Lebedev, de traiter M. Bourdovski sans rudesse. Car je pressentais qu'il n'était qu'un simple instrument entre les mains de l'avoué Tchevarov. Vous dites qu'il n'a pas le droit d'exiger de moi quoi que ce soit. Je ne suis pas de votre avis. Excusez-moi, Lebedev. Mais vous êtes tout excusé, prince. Et je me rallie d'avance à la décision que vous allez prendre au sujet de M. Bourdovski. Si vous jugez bon de lui donner quelque argent, faites-le, je ne m'y opposerai pas. Merci, Lebedev. Eh bien, je donne à M. Bourdovski 10 000 roubles. 10 000 roubles? Ah, mais ce n'est plus de la générosité, c'est de la folie. Sauf tout mon respect pour votre personne, prince. Mais donnez-lui 10 roubles et ce sera assez. 10 000 roubles, c'est de la folie, vous avez raison, M. Lebedev. Mais 10 roubles, c'est maigre. Écoutez, M. Bourdovski, le prince vous enverra 100 roubles. Alors, remerciez-le et partez. La somme me paraît encore faible, chère maman. Mais comme je ne veux pas trop dépouiller le prince, j'y ajoute de ma poche 200 roubles. Monsieur Bourdovski, prenez ces 2 billets de 100 roubles. Le prince vous fera parvenir les 100 roubles restants, car il n'a jamais d'argent sur lui. Mais je ne peux pas sans rougir prendre vos billets, mademoiselle. Alors rougissez, monsieur Bourdovski, mais prenez-les quand même. Je suis vraiment confus, mademoiselle. Seules les circonstances me forcent à accepter. Ne poursuivez pas, monsieur Bourdovski. Ne vous donnez pas la peine. Dites simplement adieu à tout le monde et débarrassez-nous de votre présence. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Madame la générale, mesdemoiselles, messieurs, prince, je vous fais confiance pour les 100 roubles que vous me devez, mais sachant combien vous êtes distrait, je vous serais gré de me signer, sur un simple bout de papier, la reconnaissance de cette petite dette. Mais vous êtes une fripouille, monsieur Bourdovski. Allez, après cela, vous apitoyez sur le sort de vos semblables. Quelle horreur. Monsieur Bourdovski, vous n'êtes pas seulement une fripouille. Vous êtes... Pourquoi accabler Monsieur Bourdovski sous les injures? Il n'est pas une fripouille, il est un homme pratique. C'est tout. Faites-moi la grâce de prendre un 3e billet de 100 roubles. Je le prends, mademoiselle. Sûr que je suis que vous me l'offrez de bon cœur. Madame la générale, mademoiselle, messieurs. Ouf, l'incident est clos. Et maintenant, prince, je me permets de renouveler l'invitation de maman. Voulez-vous venir habiter chez nous, oui ou non? C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski. Avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Jean-Jacques Delbault, les Bedef, Ginette Taffin, Aglaé, Michel Garnier, Andrei Bourdovski et Gabi Morlaix, la générale Yepanchine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.